1. Je veux mourir, j'ai vu la fierté dans les yeux de ma mère. C'est pourri, je fais tout BX pour un 2 grammes d'herbe. Des nus sous-codés, avoir personne, ça la fout mal. La vie m'a donné des patates à la Takamura. J'arrive à la fermeture, même si c'est un peu tard. Je vis chez les cutures, ma signature c'est un Goethe. J'ai kické du mal idée parce que ça faisait kiffer. J'ai mis de l'autotune sur ma voix parce que ça faisait kiffer. Je connais mes classiques, poussés sur Fast Life. Et comme Belmondo, on a fait nous-mêmes nos cascades. Je rêve là, l'Elias, paraît que ça lavera nos fautes. Je fume de l'amnésia jusqu'à la fin du rouleau top. Évite ceux qui sont cool, évite ceux qui sont cons. J'ai cramé mes thunes, j'ai pas déçu ma famille. Nique ceux qui sont pour, nique ceux qui sont cons. On n'a pas perdu, c'est que le début de la partie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et si le passé a tort, le futur s'en mettra. Ouais, ouais, ouais. La vie embrasse la mort, je finirai dans ses bras. On est venu se venger comme Maximus. Breson capuché comme Dark Sidious. Moi je veux être libre, je veux pas le tuck, c'est trop bête. Je fais que courir dans la vie comme Game Forest. Tu veux une vie de coupe, Tony Elvira. Moi faut que je trouve une copie des Fira. Avec nous, ça tue, ça swing. Avec toi, ça pue la chewing. J'connais vos stats, t'as la Rodrigo, combattre tous ces gros mythos. Clac à tous nos rivaux, baby. Je représente pour les miens, car c'est dur la vie seule. Mais j'oublie toujours quelqu'un comme les McAllister. Que des fleurs, ils ont fané. Ils m'ont faussé compagnie. Ils ont banni le spontané. J'avoue, j'ai sali mon année. Mon cahier m'a trahi, mon ami, j'suis quasi condamné. J'ai vu mon amener envahir mon parquet. Mon paquet de camels se vider sur mon trajet. Et si on est mort, alors ils sont panés. J'quitte ce monde claqué, j'crois qu'ils ont craqué, c'est tout vu. BM, grosse coupure, Gaelic, haute couture, cous, ils sont foutus. J'fume ma race en Perse, j'tape ça dans le mille, gratte la fin de mon texte et j'm'arrache tranquille. On n'a pas changé la méthode, jamais. On s'en bat toujours de vos avis. Reste à ta place, tout ça m'agace, comme le fichu seul boss de mon navire. Hey, tout est question d'apparence, même devant mes proches, j'veux pas perdre la face. J'garde le sourire même quand ça va mal. Y'a des endroits où les gens ne connaissent pas la chance. Donc faut arrêter de se plaindre. Avancer peu importe ce que ça en coûte. Si tu l'as fait tes deux mains, tu vas comprendre que perdre ça rend fou. Évite ceux qui sont cool, évite ceux qui sont cons. J'ai cramé mes thunes, j'ai pas déçu ma famille. Nique ceux qui sont pour, nique ceux qui sont cons. On n'a pas perdu, c'est que le début de la partie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et si le passé attend, le futur s'en mettra. Ouais, ouais, ouais, ouais. La vie embrasse la mort, j'finirai dans ses bras. Tu peux partir en un clin d'œil, en linceul. Elle peut partir avec un cum, t'as bien le seum. Nous on est des gens bien, on n'est pas des envieux. On connaissait les enjeux quand on est rentré dans le jeu. Tout ça c'est du vent, ça finira dans le feu. Ils m'attendent au tournant, le virage est dangereux. On arrive, on se fait mal, tu connais la formule. Mode de vie infernal, on est loin de la fortune. J'kiffe bien la résine, du vice plein la vessie. J'pisse sur la mairie, d'ailleurs j'pisse sur l'Amérique. Triste est le périple, demande à RR. De carrière, le bif, on le mérite. Évite ceux qui sont cool, évite ceux qui sont cons. J'ai cramé mes thunes, j'ai pas déçu ma famille. Nique ceux qui sont pour, nique ceux qui sont cons. On n'a pas perdu, c'est que le début de la partie. Ouais, ouais, ouais, ouais. Et si le passé a tort, le futur s'en mettra. Ouais, ouais, ouais, ouais. La vie embrasse la mort, j'finirai dans ses bras.